Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cette nouvelle séquence du cours sur l'économie du document. Au cours de la séquence d'introduction, nous avons fait connaissance, nous avons apprivoisé les outils et nous avons commencé à entrevoir le positionnement du cours sur son objet, le document, et dans son champ, l'économie de la culture, celle de l'information et enfin, la plus récente, l'économie du partage. Dans cette première séquence, nous entrons maintenant de plein pied dans le contenu du cours. Tout d'abord, je propose à votre lecture critique un premier texte. Il s'agit d'une parabole pour mieux repérer les particularités économiques du document et elles sont nombreuses. Vous verrez que j'en ai relevé sept principales. Cette parabole, ce texte, c'est ce qu'on appelle un texte martyr, c'est-à-dire que vous ne devez pas hésiter à l'annoter, le critiquer, le questionner. Vos prédécesseurs qui ont suivi ce même cours l'ont fait avant vous et leurs remarques ont servi à améliorer les versions antérieures du texte, comme les vôtres serviront à corriger celui-ci. Bien entendu, cet exercice collectif d'annotation est aussi un moyen de vous approprier ces notions et de faire émerger notre intelligence collective. Le second exercice que je vous propose cette semaine est plus classique. C'est un quiz qui vous permettra de mesurer votre compréhension du texte précédent. Si vous avez des interrogations, des discussions, des contestations, vous pourrez aussi les consigner en annotation sur le contenu du quiz. Enfin, il vous faut dès à présent, pour les étudiants inscrits bien entendu, réfléchir à votre sujet de dossier. La liste des sujets est affichée sur Studium et un forum est ouvert pour que vous puissiez discuter entre vous de leur répartition. Il est important de vous mettre d'accord car la semaine prochaine, vous indiquerez votre choix définitif. Voilà, vous voyez, nous avons encore de quoi nous occuper pour cette semaine. Bonne lecture et bonne réflexion.